Et ceux qui dépensent leurs biens avec ostentation devant les gens et ne croient ni en Allah ni au jour dernier, quiconque a le diable pour camarade inséparable, quel mauvais camarade!